Enseignement par le Vénérable Sayadaw Upanasami. Retraite de méditation Vipassana, Centre d'Amarancy. Today, we will talk about the middle way, the middle path, or the middle practice. In the Dhammacakka Bodhana Sutta, or the first sermon of the Buddha mentioned that there are two extremes. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin du milieu, de la voie du milieu, de la pratique du milieu. Dans le Dhammacakkappavattana Sutta, le premier sermon du Bouddha, le Bouddha annonce qu'il y a deux extrêmes. Le premier, c'est la recherche de son bonheur dans les plaisirs sensuels. Le deuxième, c'est s'adonner à la mortification dans le but de trouver le bonheur. Le Bouddha explique que ni l'une ni l'autre de ces pratiques ne mènent à la délivrance de la souffrance. Après avoir annoncé ces deux extrêmes, le Bouddha dit qu'il fallait les éviter. Il a encore dit, « Bhikkhu, moine, en évitant ces deux extrêmes, le Tathagata a obtenu la connaissance pénétrante du chemin du milieu. » Ce chemin du milieu qui produit la vision, la connaissance la plus haute, qui tend au calme, à la connaissance pénétrante et à la réalisation de Nibbana. Le Bouddha a ainsi déclaré qu'il avait découvert, qu'il avait pénétré le chemin du milieu, la voie du milieu. Le chemin du milieu prodigue la vision et la connaissance profonde. Ici, vision et connaissance sont synonymes. La vision, cela ne veut pas dire que l'on voit avec l'œil naturel, on voit avec l'œil de sagesse. C'est la vision et la connaissance de quoi? La vision et la connaissance des phénomènes physiques et mentaux, autrement dit de l'esprit et de la matière, la vision et la connaissance de Nibbana. Donc, si nous suivons ce chemin, nous obtiendrons la vision et la connaissance de l'esprit et de la matière. Ce chemin, c'est le chemin de Vipassana et de Magga, le chemin de la réalisation des quatre nobles vérités. Si nous suivons ce chemin, que nous pratiquons donc Vipassana, le Bouddha nous dit que nous obtiendrons la vision et la connaissance. Ceci veut dire que nous serons devenus capables de voir clairement l'esprit et la matière par la pratique de ce chemin et par expérience directe. Lorsque nous voyons clairement l'esprit et la matière qui se manifestent à chaque instant, que nous y sommes attentifs sans interruption, nous pouvons voir qu'il n'y a à l'intérieur de nous que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Nous aurons alors la vue juste selon laquelle rien n'existe à part ces phénomènes physiques et ces phénomènes mentaux. Il n'y a pas d'âme, pas d'être, personne. Il n'y a que des phénomènes physiques et mentaux qui apparaissent et disparaissent à chaque instant. Après avoir réalisé clairement l'esprit et la matière, et s'être ainsi débarrassé de la vue fausse concernant l'esprit et la matière, obtenu les vues justes à ce sujet, nous allons réaliser les causes et les effets, la relation de causalité qui unit tous les phénomènes. Nous voyons quelque chose et il y a immédiatement la conscience visuelle qui se manifeste. Si cette conscience visuelle s'est manifestée, c'est parce qu'il y avait un objet visible. Il y a la conscience auditive parce qu'il y a eu un bruit auparavant. Il y a la conscience olfactive parce qu'il y avait quelque chose à sentir. Ce que nous pensions précédemment être des événements indépendants vont nous apparaître maintenant comme reliés entre eux par un lien de causalité. À cause de l'ignorance, parce que nous ne comprenons pas la véritable nature des choses, l'attachement va apparaître. S'il y a attachement, il y aura aussi ce que l'on appelle l'action, et cette action peut être bonne ou mauvaise. S'il y a action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, forcément il y aura des résultats dans cette vie et dans les vies futures. Donc, par la pratique de ce chemin, nous deviendrons capables de voir le lien de causalité qui unit l'esprit et la matière. Nous verrons également que l'esprit qui note les différents objets, que ce soit un objet physique ou un objet mental, que cet esprit apparaît et disparaît constamment. Ces phénomènes ne font que apparaître et disparaître. Lorsque nous réalisons les apparitions et disparitions des phénomènes, nous comprendrons que ces phénomènes sont impermanents, qu'ils sont insatisfaisants et qu'ils sont insubstantiels. Et si nous poursuivons notre pratique, lorsqu'elle sera devenue mûre, nous deviendrons capables de réaliser Nibbana. Nous pourrons alors réaliser les quatre nobles vérités directement par nous-mêmes. Donc la pratique de cette voie va amener toutes sortes de connaissances, à commencer par la connaissance de l'esprit et de la matière. Cette pratique va également nous mener au calme. Ceci veut dire que nous deviendrons capables de calmer les impuretés mentales. Nous allons calmer les pollutions et nous serons également capables d'éradiquer complètement ces pollutions. Lorsque nous pratiquons la méditation vipassana, nous évitons de laisser pénétrer en nous les impuretés mentales. Nous observons attentivement tout ce qui se manifeste et nous voyons la véritable nature de ces phénomènes. Voyant leur véritable nature, il est impossible que l'attachement pour ces choses se manifeste. Il est impossible également que l'aversion pour ces choses se manifeste. Nous aurons ainsi calmé ou réprimé les impuretés mentales. Au moment de l'illumination, nous allons pouvoir éradiquer complètement ces impuretés mentales. La voie du milieu mène donc au calme. Les impuretés mentales seront d'abord calmées et ensuite complètement supprimées de l'esprit. Ce sera l'éradication totale des impuretés mentales. La disparition des impuretés mentales qui se produit au moment où on pratique la méditation vipassana est appelée calme momentané. Par la pratique de vipassana, nous allons donc pouvoir éradiquer temporairement ou momentanément les impuretés mentales. Car dès que nous arrêtons de pratiquer Vipassana, ces impuretés mentales reviennent. On compare cela à la lumière et aux ténèbres. Lorsqu'on tourne l'interrupteur, la lumière apparaît et fait disparaître les ténèbres. Mais lorsque la lumière disparaît, les ténèbres reviennent. De la même façon, l'abandon des impuretés mentales grâce à la pratique de Vipassana est temporaire ou momentané. Au moment de l'illumination, au moment de la réalisation des quatre nobles vérités et de Nibbana, l'éradication sera totale. Ce chemin peut donc nous mener au calme temporaire des impuretés mentales et à l'éradication totale de ces mêmes impuretés mentales. Donc, cette pratique tend à la connaissance supérieure. Ceci veut dire qu'elle va nous aider à réaliser les quatre nobles vérités au niveau supramondain. La pratique de Vipassana et la réalisation de Magga va nous aider à voir les quatre nobles vérités. Au cours de notre pratique de Vipassana, nous essayons d'être attentifs à tout ce qui se manifeste dans l'instant présent. Nous voyons ces phénomènes très clairement. Et ce que nous observons, tous ces phénomènes appartiennent à la première noble vérité de la souffrance. À chaque moment d'attention, nous évitons de laisser pénétrer en nous l'attachement. Nous ne sommes pas attachés à cet objet. Nous n'avons pas non plus d'aversion pour cet objet. Nous y sommes simplement attentifs. Ainsi, nous abandonnons les pollutions mentales lorsque nous sommes attentifs à chaque instant à tout ce qui se manifeste. Lorsque nous sommes ainsi capables d'être attentifs dans l'instant présent à tout ce qui se manifeste et que nous voyons la véritable nature de ces processus, nous verrons qu'ils apparaissent et disparaissent constamment. Voyant cela, l'ignorance est éradiquée. À ce moment précis d'attention, il n'y a donc pas d'ignorance. Si l'ignorance est absente, il n'y aura pas non plus de formation mentale, de bonnes ou de mauvaises actions. S'il n'y a ni bonnes ni mauvaises actions, il n'y aura pas non plus de conscience résultante, ni d'agrégat dans le futur. Donc, lorsqu'on pratique la méditation vipassana, nous réalisons la seconde noble vérité, c'est-à-dire l'abandon de ces choses, ce qui est l'abandon du désir. Nous avons donc abandonné le désir et réalisé ainsi la deuxième noble vérité. En même temps que le désir, nous abandonnons d'autres impuretés. Au moment où nous pratiquons Vipassana, nous allons également développer certains facteurs. Nous développons l'attention, nous développons la concentration, nous développons la compréhension, etc. Nous développons ainsi la quatrième noble vérité. Au niveau de la méditation vipassana, nous expérimentons ou réalisons les quatre nobles vérités. Si nous réussissons à atteindre l'illumination, nous verrons vraiment en quoi consistent les quatre nobles vérités. Ce chemin mène donc à la compréhension, à la réalisation des quatre nobles vérités. Cette pratique va nous mener à la compréhension intuitive, la compréhension pénétrante. La compréhension pénétrante ne veut pas dire simplement vipassana. C'est la compréhension pénétrante de la véritable nature des choses. Si actuellement nous ne voyons pas la véritable nature des choses, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à un grand mur qui nous en empêche. Ce grand mur nous empêche de voir la véritable nature des choses. C'est le mur de l'ignorance. Il faudra obligatoirement percer ou pénétrer ce mur de l'ignorance pour voir clairement. Ce chemin de vipassana et de magga va donc nous permettre de développer la connaissance intuitive et pénétrante de la nature de tous les phénomènes. Même lorsqu'on est encore dans le chemin vipassana, l'ignorance est déjà abandonnée. Nous allons progresser dans la pratique. Nous deviendrons progressivement capables de pénétrer de plus en plus profondément la véritable nature des choses, la compréhension de l'esprit et de la matière, de tous les phénomènes conditionnés et de la nature des quatre nobles vérités. Le Bouddha a terminé en disant que cette pratique va nous mener à la réalisation de Nibbana. Cette pratique, ce chemin, nous mène donc à la réalisation de Nibbana. Le moment de la réalisation, c'est le véritable chemin. Lorsque le méditant aura atteint le stade de réalisation, après avoir donc réaliser l'illumination, il sera devenu une personne noble. Et s'il poursuit sa pratique et qu'il atteint le quatrième stade d'éveil, il sera devenu un arahant. Étant devenu un arahant, il ne produira plus aucun kamma, qu'il soit positif ou négatif. Comme il n'y a plus production de kamma, négatif ou positif, cette personne, au moment de son décès, à son dernier moment de conscience, va disparaître comme une flamme qui s'éteint. Après cela, plus rien ne va se manifester. C'est comme une flamme qui s'éteint parce qu'il n'y a plus de combustible. Cette pratique mène donc à la réalisation de Nibbana. Elle va mener à la cessation finale et définitive de toute espèce de souffrance, ce qui est Nibbana. En quoi consiste le chemin du milieu? Je pense que vous connaissez tous la réponse. C'est le noble octuple sentier qui comprend les vues justes, la compréhension juste, la pensée juste. Ce chemin que le Bouddha a découvert comporte 8 facteurs. On les appelle les 8 facteurs du chemin. Il y a tout d'abord la compréhension juste ou vue juste. Ensuite, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. J'espère que vous connaissez ces 8 facteurs et que vous pouvez les mémoriser dans cet ordre. Si vous êtes un étudiant de Vipassana, vous devriez les connaître dans cet ordre. Avant de parler des différents facteurs, il faut comprendre ce que veut dire le chemin. Ce que l'on appelle le chemin désigne en réalité le moment de l'illumination, c'est-à-dire la réalisation du véritable chemin, du vrai chemin. Dès que le méditant aura atteint ne fût-ce que le premier stade d'illumination, il sera sûr d'atteindre Nibbana. C'est pourquoi on parle du chemin. Il est sur le chemin. Il ne peut y avoir régression ni oubli. Après l'illumination, la personne est sûre et certaine d'atteindre Nibbana. Le chemin commence donc avec l'illumination. C'est cela le véritable chemin. Pour atteindre ce véritable chemin, il faudra commencer par quelque chose d'autre. Il y a le chemin et le chemin préliminaire. Pour atteindre ce chemin préliminaire, il faudra également emprunter un autre chemin plus petit. Il y a donc 3 parties, 3 segments dans ce chemin. Le premier est appelé le chemin de base, le second est appelé le chemin préliminaire et le troisième est appelé le noble chemin. Nous devons nous souvenir qu'il y a donc 3 stades lorsque nous étudions les facteurs du noble octuple sentier, les uns après les autres. C'est comme une autoroute qui mènerait à une ville. 5 km avant l'autoroute, il y a une petite route qui permet d'entrer et de sortir de la ville. Il y a donc l'autoroute et 5 km avant, il y a une route qui va nous permettre d'atteindre l'autoroute. Si quelqu'un vous demande « Êtes-vous sûr d'être sur la bonne voie ?», vous répondrez « Oui, car vous êtes en fait déjà engagé sur la petite route qui va vous mener à l'autoroute. Oui, je suis sur le bon chemin. » Vous êtes donc engagé sur cette petite route qui va vous permettre d'atteindre votre destination sans erreur. Mais avant d'arriver à l'autoroute, si quelqu'un vous demandait « Roulez-vous dans la bonne direction ?», vous allez répondre que c'est possible, mais vous n'en êtes pas certain, car il y a encore beaucoup de chemin à faire et il est possible que vous preniez la mauvaise route. Vous n'êtes pas certain que vous êtes sur la bonne route. Il est possible que vous ratiez le bon embranchement parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc, pour atteindre cette route sûre qui va vous mener à votre destination, il faut que vous atteigniez la petite route qui va vous y mener. Vous comprenez ainsi pourquoi on parle de 3 stades. Quel est le premier de ces 8 facteurs? C'est la compréhension juste ou la vue juste. La compréhension juste a différents aspects. Il y a tout d'abord la compréhension juste que les êtres possèdent leur kama, que le kama est leur seule véritable possession. En d'autres termes, c'est la croyance dans la loi du karma. La compréhension juste, c'est la base des actions. et surtout la base des actions positives. Si nous n'avons pas cette première vue juste de la loi du karma, nous ne pourrons pas avec certitude produire des actions positives ou du karma positif. Et cette première compréhension est la base de toutes les actions positives que nous sommes susceptibles de faire. Dans la vie, nous pouvons voir qu'il y a des actions et des réactions. L'action peut être positive ou négative. La réaction également peut être positive ou négative. En considérant les choses de cette façon, nous comprenons qu'il n'y a jamais que des causes et leurs effets. Il y a une interaction entre ces choses, il y a une relation de cause à effet entre elles. C'est ainsi que nous devons comprendre la loi du karma. Cette compréhension, cette acceptation de la loi du karma est un facteur très important du chemin. La compréhension juste veut donc dire comprendre le karma. Cette compréhension de la loi du karma ne s'obtient pas par la pratique de la méditation. Ce n'est pas une connaissance qui est intuitive. Nous acceptons simplement cette loi parce que nous avons foi dans les Écritures, nous avons foi dans le Bouddha, nous avons foi dans les professeurs. Cette compréhension de la loi du karma n'est donc pas une compréhension intuitive, mais c'est quelque chose qui doit être accepté, en quoi il faut croire, tout simplement parce que nous avons confiance dans les Écritures, etc. Il est important d'avoir cette compréhension ou cette foi dans la loi du karma. Sur base donc de cette première croyance, de cette première compréhension, nous allons pratiquer la méditation vipassana. Nous pratiquons et nous en arrivons tout doucement à développer la connaissance et la vision dont il a été question plus tôt. La connaissance et la vision décrite plus haut, c'est la compréhension juste. Au cours de la pratique de la méditation vipassana, la compréhension juste va apparaître, la compréhension juste s'installe en nous. Et enfin, au moment de la réalisation de la vérité, autrement dit, au moment de l'illumination, la compréhension juste va également être présente. À ce moment-là, c'est la forme la plus profonde de compréhension. La compréhension juste va donc se manifester tout au long de ce triple chemin, au moment du chemin de base, au moment du chemin préliminaire et au moment de la réalisation du noble chemin. Ce premier facteur, la compréhension juste, va donc se manifester successivement tout au long de ces trois étapes. La compréhension juste veut dire tout d'abord comprendre la loi du karma, ensuite comprendre la véritable nature des phénomènes au moment où on pratique vipassana, et enfin la compréhension des quatre nobles vérités au moment de l'illumination. That is all for today. We will continue the talk later. May you all avoid the two extremes. And may you follow the middle path or the Noble Eightfold Path and eventually realize Nirvana. Sadhu.